C'est vrai que c'est un piège dans la question posée à Benoît. Désolé. Mais en même temps, il a cherché, puisqu'il a dit, moi, je dirais pas création radiophonique, mais création sonore. En fait, c'est un petit peu comme avec le mot podcast, ça va être une question de s'entendre sur les définitions et sur le support. Une création sonore qui est diffusée à la radio est une création radiophonique, une création sonore qui est diffusée en podcast est un podcast. Un documentaire peut être essentiellement basé sur de la parole, avec un montage vraiment strictement sur le langage, où on serait presque plus proche de la littérature. Et là, quand même, je pense que vous pouvez avoir des créations sonores. Parce que vous allez faire un montage selon un certain rythme, etc. Mais c'est un petit peu à l'extrême. Et la création sonore, elle suppose quand même des sons, pas forcément des sons organisés. Elle suppose que vous êtes allé chercher dans le réel les sons que le monde vous propose. Et on peut avoir une œuvre purement sonore qui n'aura pas une seule parole. Et, mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pareil, que ce soit de la création sonore. Elle, dans le mot création, il y a cette espèce d'impossible à définir qui est quelqu'un va vous faire entendre le monde d'une manière que vous n'avez jamais vu auparavant. Et parce que cette personne est un créateur, parce que c'est un auteur, parce qu'il a une sensibilité qui va le conduire à vous donner une forme, qui va vous surprendre, qui va vous étonner. La création sonore peut déranger. Quand Kate, je nous propose une minute de silence, c'est de la création sonore. Et dans la création, il y a le fait quand même d'un être qui va secouer les paradigmes et les habitudes. D'accord, merci. Irène, Amandine Casanamon, vous voulez intervenir également. Oui, je crois qu'il faut penser création sonore comme le mot création dans le théâtre ou dans la danse contemporaine. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un spectacle, quoique Benoît crée un spectacle, on crée un objet sonore. Et donc, ça veut dire que tous les éléments à l'intérieur sont des éléments qui participent et contribuent à une création. Donc que ce soit du texte, que ce soit les enregistrements faits, que ce soit une composition musicale, mais effectivement, comme le soulignait Irène, ça peut comporter des formes extrêmement diverses, très fournies, mais aussi très minimales, et voire même quasiment silencieuses. Merci. Alors Benoît, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Désolé, je t'ai pas écouté. Ben, moi, c'est vraiment le rapport à la matière qui... Enfin, et après, on va avoir un rapport à la matière différent suivant les supports de diffusion. Parce que ce que je vais diffuser en radio, ce que je vais diffuser en concert en petit canal, je vais devoir faire une modification sur la matière, mais ce rapport à la matière est extrêmement important. Et moi, dans mon boulot, j'ai plutôt tendance à me définir un peu comme un artisan, un peu comme quelqu'un qui travaille du bois. Par moment, je peux faire des écritures avec ma propre subjectivité parce que je suis allé au contact d'un terrain, mais ça va être peut-être une pièce sur mon nez et le reste du temps, mon travail, ça va plutôt être de mettre au service d'artisans, au service d'autres personnes qui vont vouloir raconter des histoires. Voilà. C'est-à-dire par exemple, on travaille pour un metteur en scène, vous allez travailler pour un chorégraphe, vous allez travailler pour une musique de film, une animation. Où l'écriture va rentrer, l'écriture sonore va rentrer dans la narration, donc vous allez quand même être au service d'un projet et d'une histoire complètement racontée. Ce que je disais, c'est que c'est vraiment important de séparer. Moi, j'ai tendance à considérer que les mots liés au support de diffusion, c'est quelque chose qui nous a un peu dicté par une vision industrielle des choses. Je pense qu'il faut arriver à essayer de s'en détacher au maximum. Pour arriver à voir qu'est-ce qui fait commun entre nous, entre quelqu'un qui va travailler dans un centre de création musicale, quelqu'un qui va confectionner ça dans une radio publique, dans une radio locale. Et avec ce commun, on arrive à trouver un monde sonore, ça peut être qui a décliné en dehors de son industriel. Voilà. En général, j'aime pas trop l'industriel. Très bien, merci.